Book 2 78 78 78 الصفات 1 Adjectif 1 Adjectif 1 امرأة كبيرة السن Une vieille femme Une vieille femme. امرأة سمينة. Une grosse femme. Une grosse femme. امرأة فضولية. Une femme curieuse. Une femme curieuse. سيارة جديدة. Une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. سيارة سريعة. Une voiture rapide. Une voiture rapide. سيارة مريحة. Une voiture confortable. Une voiture confortable. ثوب أزرق. Un vêtement bleu. Un vêtement bleu. ثوب أحمر. Un vêtement rouge. Un vêtement rouge. ثوب أخضر. Un vêtement vert. Un vêtement vert. شنطة يد سوداء. Un sac noir. Un sac noir. شنطة يد بنية. Un sac brun. Un sac brun. شنطة يد بيضاء. Un sac blanc. Un sac blanc. ناس لطفاء. Des gens sympathiques. Des gens sympathiques. ناس مهذبون. Des gens polis. Des gens polis. ناس مهمون. Des gens intéressants. Des gens intéressants. أطفال محبوبون. Des enfants affectueux. Des enfants affectueux. أطفال وقحون. Des enfants effrontés. Des enfants effrontés. أطفال مؤدبون. Des enfants sages. Des enfants sages.